Bonjour, voici le 64e épisode du podcast des Nous. Un podcast qui fait de vous des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Hey, hey! Donc, cette semaine, nous allons parler de Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Après le projet non abouti de Alejandro Jodorowsky, le film de David Lynch et la mini-série réalisée par John Harrison pour Sci-Fi Channel, voici la nouvelle adaptation du roman classique de Frank Herbert. La grande différence entre ce film et celui de Lynch est qu'il fait preuve de plus de retenue. Warner Bros. Souhaite bien évidemment, avec ce film, lancer une franchise, toute une série de films. On peut leur souhaiter le succès dans cette entreprise, car contrairement à du MCU ou plein d'autres cochonneries, c'est basé sur une histoire très intéressante, recherchée, intelligente, avec plein de propos, la très bonne série de romans de Frank Herbert, qui depuis continue à être enflé par son fils aidé d'un autre mec. J'ai lu tous les romans de Frank Herbert sur cette série. Pour ce qui est de ceux de Brian Herbert et Kevin G. Anderson, je n'ai lu que les deux romans qui concluent la série, pas les innombrables préquels. Je me demande sérieusement à quel point les deux romans en question sont basés sur des notes de Frank, sont fidèles à celle-ci, il me semble y avoir de sérieuses incohérences. Le détail amusant est que les notes retrouvées en question sur le projet d'un dernier roman que Brian et Kevin ont décidé de faire en deux romans, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de matériel alors, que justement pour moi, un des principaux défauts de ces romans est le fait qu'ils traînent en longueur. Je me demande ce que Warner vont faire des romans de Brian et Kevin si jamais ils se rendent jusque-là. J'espère, si c'était possible, qu'ils aient accès aux véritables notes de Frank Herbert sur le projet du septième roman et en fassent un film et donc qu'il n'y aurait que des films basés sur l'œuvre de Frank Herbert et donc aucune adaptation des machins de Brian Herbert et Kevin J. Anderson. C'est l'intention de faire une franchise. Ils y vont progressivement. Ils ont attendu d'avoir amassé un peu d'argent avec ce film avant d'annoncer qu'ils feront effectivement le prochain. Il est essentiel d'insister sur le fait que l'adaptation du roman original de la série est en deux films. Le film qui est sorti n'est que la moitié de l'histoire. La fin du film n'est aucunement une fin. Cela permet de contourner le problème d'adapter tout ce qui se passe dans ce roman en un seul film, l'histoire est tout de même assez complexe et nuancée. L'univers de Frank Herbert nous présente une société avec un empire, des grandes familles de noblesse et quelques autres puissances importantes, soit la guilde spatiale, le Bene Gesserit, et aussi même, s'il n'en est pas tellement question dans le premier livre et donc dans ce film, le Bene Tleilax et la planète X. La guilde spatiale a le monopole du voyage spatial grâce à la capacité de ses navigateurs de faire un grand déplacement en repliant l'espace. Le Bene Gesserit semble servir de conseil, mais en fait cet ordre féminin a une puissance non négligeable, avec entre autres son utilisation des religions. Il y a aussi et surtout la planète Arrakis, surnommée Dune, une planète désertique où vivent les Fremen, un peuple du désert, ainsi que des vers des sables géants, dieux pour les Fremen, et surtout une planète permettant l'exploitation d'une ressource unique, l'épice. Ouh. Pas juste de l'épice, comme on utilise dans notre cuisine, mais une épice qui permet des prouesses incroyables et incontournables pour la civilisation future, qui donne entre autres à la guilde spatiale sa capacité au déplacement spatial et la prescience pour bien des gens, entre autres le Bene Gesserit. L'épice est la plus importante ressource de l'univers de Dune. L'exploitation de la planète Dune était sous la mainmise de la famille Harkonnen, qui l'exploite avec avidité et brutalité, mais l'empereur a décidé de donner cette exploitation à la famille Atréide, qui sait inspirer la loyauté. Le duc Atréide accepte bien sûr et il souhaite s'allier les Fremen. Mais est-ce que c'est pour le bien de la famille Atréide? On peut se poser la question et craindre le danger. Le personnage principal est Paul Atréide, fils du duc Leto et de Dame Jessica du Bene Gesserit. Il serait l'héritier de la famille, mais peut-être pas que. On suit dans le roman et sa première suite ce qui lui advient, dans les romans suivants plutôt aux générations futures. Je n'irai bien sûr pas dans tous les détails de ce qui arrive, je n'ai pas envie de tout spoiler, mais je dirai tout de même qu'on est assez loin de la simple histoire du noble héros sauvant un peuple, même si le film de David Lynch va un peu en ce sens. Pour ce nouveau film, Warner Bros. Est allé chercher un réalisateur qui a déjà démontré qu'il est talentueux, y compris dans la science-fiction avec son excellente suite de Blade Runner, un réalisateur qui a exprimé sa passion pour le roman de Frank Herbert, un très bon choix qui devrait rassurer les fans. Beaucoup de fans du roman n'aiment pas le film de David Lynch. Il n'est pas toujours fidèle au roman, ni à toute son histoire, ni à son propos. Bien des spectateurs du film de Lynch, sans avoir nécessairement lu les romans, le trouvent plutôt kitsch, un peu ridicule par moments. Plusieurs qui ont vu ce film et pas lu le livre semblent avoir de la misère à le comprendre. Personnellement, ce film, celui de David Lynch, est un de mes films préférés. Il a eu un impact majeur sur ma vie, et c'est d'ailleurs ce dernier qui m'a fait ensuite lire la série de romans. Je n'avais pas particulièrement de difficulté à comprendre l'histoire la première fois que je l'ai vue, ce qui me fait me demander ce que les gens lui trouvent d'incompréhensible. Oui, il y a pas mal de personnages, certains concepts un peu étranges et quelques moments passés un peu rapidement, mais ça reste largement compréhensible. J'adore surtout au plus haut point tout le style du film avec sa photographie, sa musique, son montage, le jeu dramatique un peu théâtral des acteurs, la mise en scène, tout. C'est le film qui m'a fait réaliser que le cinéma n'est pas que du divertissement, mais aussi un art. La nouvelle adaptation pourrait sembler un projet un peu casse-gueule pour certains fans à cause des qualités du roman. Pour moi, c'est un peu casse-gueule à cause qu'il aura à subir la comparaison avec un des films que je préfère de tout le cinéma. Ce qui ne signifie aucunement que c'est un projet sans intérêt. On cherche ici à faire une nouvelle adaptation plus fidèle à l'œuvre de Frank Herbert. Cela pourrait possiblement sembler futile suite à la mini-série, mais celle-ci, bien qu'étant d'un budget très correct pour de la télévision et étant bien faite, on est bien loin d'une méga production cinématographique. La mini-série est assez agréable, mais souffre de pas mal de défauts avec des effets numériques assez moyens, une photographie des décors tout à fait honorable mais qui pourrait être tellement mieux avec un budget conséquent, et des jeux d'acteurs souvent assez sous-joués, ainsi qu'un certain manque de rythme dans le montage et la mise en scène. C'est David Lynch qui a fait un film assez fortement stylisé, un space opéra un peu grandiloquent. Denis Villeneuve semble chercher à faire quelque chose de plus réaliste, plus vraisemblable, plus froid. Il fait preuve de plus de retenue. La photographie est léchée avec des designs très réussis pour les immeubles construits, les costumes et les vaisseaux spatiaux, mais la caméra insiste moins pour les montrer comme quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'est pas nécessairement un mal. Je ne suis pas sûr de ce que je pense de la manière dont sont représentés les yeux des Fremen, les yeux bleus sur fond bleu, qui ici n'ont qu'un fond à peine bleu. C'est sans doute plus vraisemblable, cohérent, avec le style plus subtil de ce film, mais c'est à peine visible dans pas mal de plans et assez peu spécial. La portion du film qui se passe sur Caladan, la planète d'origine des Atrides, semble moins mythique. Je trouve que d'un point de vue visuel, on perd un peu en insistant moins sur l'importance de l'eau, sur ce qui fait la différence d'Arrakis. Ça semble juste un équivalent de la Terre. Plus grave, Arrakis, la planète désertique qu'on surnomme Dune, si elle semble bien désertique, le visuel est beaucoup plus froid. On ressent assez peu la chaleur du désert, même la mini-série me semblait plus réussie de ce côté-là, malgré un visuel beaucoup moindre. On voit assez peu les autres planètes. Bon, dans le film de Lynch, il n'y avait pas non plus tellement de scènes sur d'autres planètes, quoique tout de même un peu plus, il me semble, leur style visuel permettait de leur donner un statut important, d'en faire des lieux mythiques. Le jeu des acteurs dans le film de David Lynch était tout de même assez théâtral, très fort, un peu trop exagéré sans doute pour certains personnages, bien que ce n'était pas vraiment un défaut selon moi. Ici, le jeu des acteurs est beaucoup plus dans la retenue, sans tomber dans le sous-jeu de la mini-série ou le jeu naturaliste propre au style cinéma-vérité, comme le remake de la série télé Battlestar Galactica. Cela contribue à rendre le film plus réaliste, plus vraisemblable, plus crédible, mais moins spectaculaire, stylisé, mythique. Cela permet de mieux aborder la subtilité des sentiments des personnages, de leur drame. C'est plus intellectuel, moins émotionnel. La mise en scène va aussi dans ce sens. La musique de Hans Zimmer accompagne bien le film, mais elle ne fait guère plus, contrairement à la musique d'un Toto, pour le film de David Lynch, qui était très forte, puissante, pleine d'émotions, accompagnant à merveille les émotions et le style magistral de l'adaptation de l'époque. Ça fait le travail, c'est très correct, mais c'est tout, on le remarque assez peu. C'est un peu long pour un blockbuster. C'est un excellent film de science-fiction, mais on peut se questionner sur ses chances auprès du grand public et pour démarrer une grosse franchise cinématographique. Vu les sujets abordés par l'histoire, le nombre de morts nécessaires pour un grand space opéra au sujet si dramatique, c'est étonnamment peu violent, ce qui lui permet d'être plus grand public, mais la violence n'aurait pas été nécessaire pour en faire un meilleur film. Ce n'est donc absolument pas un reproche, seulement une constatation. Bien évidemment, cette adaptation est beaucoup plus fidèle que le film de David Lynch au roman de Frank Herbert. C'est tout à fait intéressant et pertinent de voir une adaptation plus fidèle, quoiqu'après la mini-série et sa suite adaptée des deux romans suivants, je dois avouer que je suis beaucoup plus curieux et intéressé de voir des adaptations des romans suivants. Malgré un budget bien moindre et un style clairement moins réussi, les mini-séries sont tout de même très correctes. Ce film est vraiment intéressant, une adaptation tout à fait réussie et fidèle du roman. Un film très intéressant et agréable à voir, mais hélas, il ne peut faire il ne peut que faire assez pâle figure à côté du chef-d'œuvre de David Lynch. Surtout que, il ne faut pas l'oublier, il n'est que la moitié de l'histoire. Le choix de l'endroit où s'arrêter est pas trop mal. Au moins, ça ne termine pas risiblement au milieu d'un danger immédiat, nous demandant d'attendre angoissé si le héros survivra d'ici la sortie du film suivant, à la manière d'un épisode de la série Batman avec Adam West. Mais en même temps, cela n'est pas particulièrement fort pour une fin de film. Heureusement que Warner a bel et bien finalement annoncé la production du second, parce que ça ferait vraiment tâche de terminer ici. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre qui est mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que la Russie qui n'envahit pas ses pays voisins, oh mon Dieu! Donc, pour le moment, je donnerais un 3 sur 5. C'est un divertissement honnête, tout à fait intéressant, mais on ne ressent pas tant d'émotion. Pour le moment, la profondeur de l'intrigue est à peine entamée. J'attendrai le suivant qui me poussera peut-être à réévaluer à la hausse d'une première partie. On peut se demander ce que donneront les adaptations des romans suivants si les films sont produits. Je ne crois pas que tous les romans nécessitent deux films, surtout le second, Messiah of Dune, qui est court. Il n'a été adapté précédemment que comme un des trois épisodes de la mini-série Children of Dune, les deux autres épisodes étant adaptés du roman de ce titre. God Emperor of Dune me semble particulièrement difficile à adapter vu la nature de ce qu'il raconte, de ce qu'on y voit, de son rythme et du temps qu'il couvre. Heretic of Dune me semble relativement facile à adapter, mais Chapter House est un peu long et se termine de manière un peu particulière. Et il y a bien sûr le cas un peu particulier de Hunters of Dune et Sandworms of Dune, par Brian Herbert et Kevin G. Anderson, que j'ai déjà évoqué, ainsi que leurs innombrables autres bouquins. Mais seul l'avenir nous dira ce qu'il en adviendra si la série se rend jusque-là. Ah, du bon Carrie. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!